C'était Body Girl and Mechanic Ultra Witch Crafty Fab. Yann Martin, qui est un contributeur régulier du blog de la section New Music, From Around the World du Guardian, du journal britannique The Guardian, a écrit en décembre dernier que Body Girl and Mechanic est sans doute un des meilleurs groupes groupes qui a émergé à Tokyo en 2013. Ils sont l'ensemble de leur album qui s'appelle Body Girl and Mechanic, et l'ensemble de l'album est bon. Je vous le dis en passant, et je vais vous présenter au cours de cette émission. Mon nom est Michel Lemonnet, j'anime l'émission Les Oreilles Ailleurs. Nous sommes le 5 janvier 2014 et je vais vous présenter cette semaine des chansons extraites des albums que j'ai découverts en 2013, des albums 2013 que j'ai le plus aimé. On a commencé par Body Girl and Mechanic et on va poursuivre avec Zemfira. Zemfira, c'est une chanteuse russe qui fait une carrière, ma foi, assez incroyable, puisqu'elle elle était au fait de sa carrière, et à un moment donné, elle a décidé de prendre du recul. Elle n'a, pendant 5 ans, elle n'a rien disqué. Et puis, en 2013, elle a décidé d'en disquer l'album, dont est extrait la pièce qu'on va écouter maintenant. Жить в твоей голове и любить тебя неоправданно, отчаянно. Жить в твоей голове и убить тебя неосознанно. Неосознанно, нечаянно. И слушали тихий океан, и видели города. И верили в вечную любовь, и думали навсегда жить в твоей голове и любить тебя неоправданно. Обрушились небом в комнате. Voyez Golov, pour vivre dans ta tête, je dois t'aimer de façon complètement désespérée et justifiée. Je dois te tuer, tu dois mourir, je dois te tuer dans ma conscience de façon non intentionnelle. Belle chanson d'amour de Zemfira. Donc, c'est le titre de l'album aussi, paru en 2013. Le prochain album que j'ai choisi de vous présenter, parce que je vous présente les albums que j'ai le plus aimé acquérir en 2013. Le prochain album, c'est... fait pas tellement longtemps que je l'ai dans ma collection personnelle. C'est Live at Café Velezé. Seba Romantica et Lenka Dosilova. C'est une chanteuse tchèque. On va écouter une chanson qui s'appelle Tachi. Et ensuite, on va écouter un autre album superbe qui s'intitule Moga. Et c'est la chanson éponyme de l'album qu'on va écouter, Moga. Maï N. Zid. Vous en parlerai un peu plus longuement par la suite de Maï et de Zid aussi. Zid Hamdan qui a collaborer beaucoup avec une autre chanteuse libanaise que j'aime beaucoup, dont je vous parlerai aussi un peu plus tard dans l'émission. Zvedá se dým, tak dýchej, mý duch míří. V horké mise je cít, ach ouvej, srdce bolí. Kde jsou tvé dlaně, když mé tak prázdné a kolem je ter. Ta-ra-dn-da-ra-dn-no, ta-ra-dn-da-ra-dn-no, ta-ra-dn-da-ra-dn-no, ta-ra-dn-da-ra-dn-no, ta-ra-dn-da-ra-dn-no. myšky v listí, můj pták vzle, ale můžu se plést. Taradaradno, taradaradno, taradaradno, taradaradno, na dráty jako na pianu, ptací vítr kostí kapky má. اعمل ايه لو مش سعيدة لو مش عارفة اطفو واعمل ايه للمطر ينزل ويخليه الحزن يدوب اعمل ايه لو مش حزينة لو مش عارفة ابكي اعمل ايه للشجر يكبر ويخليه الوقت يعدي يعدي بعيد ما يجيش تاني هنا عندي يكبر ويخليه بعيد موجة عالية خايفة منها موجة غامقة جاية تشفطني موجة عالية خايفة منها خايفة منها وهو يقول ما كانش المفروض نكون كان عايش يوم ولقاني Moga de Mei Enzide. Mei Enzide, c'est Mais Walid, c'est une jeune Égyptienne de 25 ans. Elle fait partie de ces jeunes Égyptiennes qui poussent actuellement. Il y en a quelques-unes comme ça qui font de la très bonne chanson qu'on a la chance d'écouter ici au Québec. Heureusement qu'on a la chance de pouvoir écouter de la musique d'un peu partout dans le monde. Donc, ça nous permet de découvrir comme ça des talents qui sont égyptiens, qui sont allemands, qui sont russes, qui sont chinois. Zaid, c'est Zaid Hamdan. Zaid Hamdan, il a collaboré beaucoup avec Yasmine Hamdan. Yasmine Hamdan, l'auteur, compositeur électropop libanaise. Zaid Hamdan est aussi libanais. Et c'est Zaid and the Wings, Zaid Hamdan. C'est aussi un producteur. Il n'est pas seulement auteur, compositeur, musicien. Il est aussi producteur. Il a produit plusieurs artistes libanais, égyptiens et autres. Je vous recommande fortement. Je fouille un peu, vous allez trouver ce qui fait Zaid Hamdan. On va poursuivre avec les albums que j'ai particulièrement appréciés en 2013 en langue autre que française ou anglaise, pour préciser, parce que j'écoute quand même aussi des albums en français et en anglais. C'est la prochaine chanteuse, c'est Dota Dotaker. Elle est allemande. Elle a bourlingué un peu partout dans le monde. Elle s'est frottée aux styles musicaux d'Amérique latine, entre autres du Brésil, Bossa Nova et autres. Elle a déjà au-delà d'une dizaine d'albums à son actif depuis à peine 2003, en 10 ans à peine. On va écouter une chanson extraite de son dernier album, Wosol Ich Suchen, et la chanson s'intitule Zwei Falter. Courte balade de cette chanteuse allemande du nom de Dota, Dotaker, K-E-H-R, qui a sorti l'album Wosol Ich Suchen en 2013. On va poursuivre après la pause publicitaire d'autres albums que j'ai apprécié en 2013. L'émission Les oreilles ailleurs vous est présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier Est, cafébabylone.com.

Maya. Martin Seva El Maya. Shraishano Jna Mariko. Ища матроса. Самая лучшая, что дожидается, молчит и улыбается. Преданная красавица, преданная красавица, преданная красавица. C'était Switch and Nothing to My Name. Ce n'est pas une chanson qui date de 2013, mais c'est une chanson parue dans un album c'est une chanson tirée d'un album qui est paru en 2013, The Third Sound of China. En fait, Nothing to My Name a été chanté pour la première fois par Tsui Chan en 1984. Et elle a surtout été chantée par lui sur la place Tiananmen en 1989. Elle a été d'ailleurs un des hymnes du mouvement en faveur de la démocratie qui, on le sait, a été réprimé violemment par l'armée chinoise en 1989. Tsui Chan lui-même dit dans une entrevue qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec le choix de sa chanson comme un hymne à la démocratie, puisque c'est tout simplement une chanson qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui dit à sa bien-aimée, à celle qu'il aime, que bon, il n'y a rien d'autre à lui offrir que son cœur, mais qu'il aimerait bien qu'elle, même s'il est pauvre, même s'il n'a rien dans la vie, qu'elle aimerait bien qu'il tombe en amour avec lui. Et la chanson se termine bien, puisque la jeune femme tombe en amour avec le jeune homme. On poursuit avec Tsui Chan. Je vais sûrement revenir sur Tsui Chan plus tard dans la saison. C'est un chanteur qui est considéré comme le père du rock chinois. Et c'est fort intéressant ce qu'il fait, puisqu'il mélange du rock avec des airs traditionnels chinois. Il fait de superbes chansons. On poursuit avec On the Bayan, un autre album paru en 2013 qui s'intitule Protocol et Alt R Tab. Et la chanson, ça a été enregistré en direct lors d'un spectacle de On the Bayan. Thank you. incroyable du groupe Underbyen. Fascinante l'histoire de d'Underbyen. En fait, c'est un, pour remonter à 1995, deux amis, Catherine Stockholm et Henriette Sevenvad, décident, au retour d'une balade en bicyclette, décident de former le groupe. Leur but au début, c'était de percer sur la scène internationale. Donc, elles ont écrit quelques chansons en anglais. Elles ont vu que ça fonctionnait plus ou moins bien. Donc, elles ont décidé de mettre en musique des poèmes danois. Et depuis ce temps-là, qu'elles roulent leur bosse. Et Protocol, c'est un album paru en 2013 que je vous recommande fortement. Je peux pas faire autrement que de terminer cette trop brève revue des albums que j'ai aimés en 2013, des albums de 2013 que j'ai aimés par Yasmine Hamdan. Yasmine Hamdan, si vous avez écouté l'émission qui précédait, Le Voyage imaginaire, du début de novembre, j'ai fait une émission complète sur cette chanteuse libanaise qui est en montée actuellement en Europe. On la voit un peu partout dans les radios, dans les télévisions, en France, en Angleterre, en Allemagne, un peu partout. Elle est en spectacle en janvier, d'ailleurs, à la mi-janvier, elle est en spectacle à New York. Bon, c'est un petit peu loin d'ici, mais elle est en spectacle. Elle donne quelques spectacles à New York. Et en 2013, est paru un album, en fait, qui est une reprise, mais avec quand même quelques modifications, quelques chansons nouvelles, d'un album qui était paru en 2012. L'album en 2013 s'appelle Yanas, par Yasmine Hamdan. دست كبدي توسوست انا عندي حسن عندي قلق اذا ضغطي لعب اذا ضغطي اشد كلمة استفسرت على مرض مردت كلمة تذكرت ضغطي توسوست استفادت لحكيمة وجعت أنا شعرت وحدي أنا شعرت عزري أنا شعرت غربي أنا شعرت شانسين أحسن أتبينك كيف ما قلبت قلبت نكت كلمة هلوست صار عندي عبرة ونوخة ولعي ودقت قلب أنا معي بالقلب شكلت وصرت كلمة تنفست على داعي مئزت إذا داعي لمع إذا داعي لمع إذا داعي كمش دغيت I'm عذبت كل ما نزدست كني توسوست Magnifique Yasmine Hamdan, l'album Yanas. Ah, ça a passé trop vite. Je vous ai présenté une chanson de chacun des albums, de 9 albums en fait, que j'ai appréciés en 2013. Croyez-moi sur parole, les albums sont tous bons. Il me reste à peine le temps de vous dire au revoir et à la semaine prochaine. C'est Michel Bonaparte qui suit avec l'émission Topic du Capricorne. Passez une belle semaine. Au revoir. L'émission Les Oreilles Ailleurs vous a été présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier-Est, cafébabylone.com.